de Retour à Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Une équipe de géologues en reconnaissance dans la région de Chibougamau a émis une hypothèse à la fois controversée et fascinante. Le bouclier canadien abriterait le plus important impact de météorites au monde. Alors, pour nous en parler, je reçois Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bien, bonjour François. Oui, bien, comme tu l'as dit, il y a une équipe de 3 géologues québécois qui mènent des recherches dans le nord du Québec de quand même depuis plusieurs années et qui pensent avoir découvert un cratère d'impact. Ça, c'est un cratère qui est causé par la chute d'une météorite qui pourrait atteindre environ 500 kilomètres de diamètre. Et tu vas voir avec les informations que je vais te donner pendant ma chronique, tu vas réaliser que c'est quand même assez énorme. Et je vous laisse imaginer quel genre de monstre qui vient de l'espace qui aurait pu faire un tel impact. Donc, on pense que ça aurait été formé il y a environ 2 milliards d'années par un impact et que le cratère s'étendrait, pour vous donner une idée, des monts Otiche, ça c'est dans le nord du Labrador, jusque possiblement dans Charlevoix. Donc, c'est quand même assez immense. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le plus gros cratère du monde se cacherait sous le bouclier canadien? Donc, mais avant d'aborder cette découverte plus en détail, est-ce que tu pourrais faire un survol de la géologie du Québec pour que l'on puisse comprendre en fait, le contexte de cette découverte? C'est vraiment important de comprendre un peu le contexte dans lequel le cratère se retrouverait pour ce qui en reste. Donc, c'est le bouclier canadien, c'est ce qu'on appelle aussi le bouclier précambrien. C'est en fait un immense plateau rocheux. C'est un peu en forme de fer à cheval qui entoure la baie du Tusson au Canada. Ça va du Labrador jusqu'à l'Arctique canadien. Et c'est dans cette région-là qu'on trouverait les roches les plus anciennes de la Terre, possiblement en 3 à 4 milliards d'années. Donc, vraiment les toutes premières formations rocheuses de la Terre. Et d'ailleurs, les roches canadiennes les plus anciennes, là, qui datent de 3,9 milliards d'années, on les a découvertes à l'est du Grand Lac de l'Ours. Ça, c'est dans le territoire du Nord-Ouest. Et depuis la dernière glaciation du continent, le relief général, là, il est devenu plus arrondi parce qu'avant, c'était d'immenses chaînes de montagnes. Les vallées se sont comblées. Il y a énormément de roches là, qui ont été érodées. Donc, j'imagine que l'origine, ça ressemblait à l'Himalaya, peut-être? Oui, c'était quelque chose du genre. Oui, on pouvait facilement s'imaginer ça. Et là, donc, avec les années, l'altitude moyenne a diminué, l'érosion. Donc, les traces d'impact sont un peu plus dures à trouver. Pour te donner une idée, là, en moyenne, là, les sommets sont à peu près de 1000 à 2000 pieds là, dans la région du bouclier canadien. Donc, on parle pas de grosses chaînes de montagnes. Les Laurentides, c'est usé. Là. C'est pas l'Himalaya. C'est ça, exactement. Par contre, le seul mont qu'on connaît là, qui est assez élevé dans le bouclier canadien, là, c'est le mont Torngat, qui est à peu près à la frontière du Labrador et du Québec. Donc, le bouclier canadien, ça a aussi eu un impact profond sur l'histoire humaine. Au Canada. Le peuplement, le développement économique du Canada, on y pense pas là, à première vue, mais ça a le bouclier canadien a une importance très importante. Si je vous donne un exemple, à l'époque pré-européenne, là, c'était le royaume des chasseurs nomades amérindiens. Le périmètre du bouclier canadien, c'est délimité par les terres agricoles des prairies de l'est du Canada. Et pour établir un lien ferroviaire avec l'Ouest à l'époque, il a fallu dynamiter à travers le roc du bouclier canadien. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert ces trésors. Dans le bouclier canadien, on retrouve de l'or, de l'argent, du nickel, du cobalt, du zinc, du cuivre, du fer. La liste est longue, j'en passe. Donc, c'est une source de richesse incroyable au niveau géologique. Tout à fait. Et aussi au niveau biologique. Oui. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on retrouve de très nombreuses forêts et un potentiel hydroélectrique qui alimente l'industrie de pâte et papier et qui alimente aussi nos besoins énergétiques. Donc, le bouclier canadien aussi porte la cicatrice de quand même plusieurs impacts météoritiques. J'ai fait des recherches sur Internet pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Bon, les plus connus, c'est le fameux cratère du Manicouagan où il y a le barrage, l'astroblème de Charlevoix que plusieurs connaissent, et aussi il y a un cratère, le Pingaluit, là, c'est complètement dans le nord, extrême nord du Québec. C'est les plus célèbres, évidemment, mais on compte au moins une bonne douzaine d'impacts météoritiques seulement sur la portion québécoise du bouclier canadien. Donc, je vous laisse imaginer, le reste, là, c'est quand même facilement une cinquantaine, si c'est pas plus. C'est un endroit qui a été assez souvent bombardé dans son histoire. Et donc, c'est dans ce contexte-là que se trouverait possiblement, parce qu'on parle encore d'hypothèse, se trouverait possiblement le plus gros cratère d'impact du monde, comme je vous le disais, qui ferait à peu près 500 km de diamètre. Donc, c'est le professeur Normand Goulet, qui est professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, et c'est à l'Université de Montréal, et ses collègues géologues Serge Genet et Francine Robert, qui pensent avoir découvert les traces de ce qui pourrait possiblement être vraiment le plus gros cratère. Mm-hmm. Mais comme tu l'as dit au début de la chronique, ça fait pas l'unanimité. Mm-hmm. Parce que si ça s'avère réel, cette hypothèse-là, ça révélerait en fait un nouveau morceau du casse-tête dans notre histoire géologique. Donc, c'est pas un petit détail. Oui, tout à fait. Si cette théorie se confirme-là, ça serait en fait deux fois plus gros. Ce cratère-là serait deux fois plus gros que ce qui a fait disparaître les dinosaures. Parce que celui-ci faisait seulement 160... Je dis seulement, entre parenthèses. Hein, seulement 177 kilomètres de diamètre, et on sait quel impact ça a eu. L'extinction qui a suivi cet impact météoritique-là, c'est pas seulement les dinosaures qui sont disparus. Il y a énormément d'autres espèces vivantes qui se sont éteintes à ce moment-là. Là. Donc, c'est une extinction majeure. Donc, je vous laisse imaginer... quel aurait pu être l'impact, là. Mais là, par contre, il y a 2 milliards d'années, c'est sûr qu'il n'y avait pas autant de vie qu'il y a 65 millions d'années. C'est ça, exactement, où évoluer. Ouais. Mais Mélanie, pourquoi cette découverte suscite-t-elle autant de scepticisme? Ben, l'hypothèse a été présentée pour la première fois en 2015, l'année dernière, lors d'un congrès. Mais les annonces, en général, de découvertes de cratères font souvent l'objet d'assez longs débats au sein de la communauté scientifique, puis c'est normal parce que ça prend beaucoup de preuves irréfutables pour dire, bon, OK, là, c'est vraiment un cratère, un cratère d'impact, et deux, qui a cette dimension-là, X kilomètres de diamètre. Donc, ça prend des preuves pour authentifier que c'est vraiment un cratère d'impact. Et le temps souvent efface les preuves. Là. Exactement. Je vous parlais, là, tu sais, le bouclier canadien, il y a une très longue histoire, donc... C'est vraiment des traces. On n'est pas capable de voir. Tu sais, c'est pas comme à Manicouagan. On n'a pas le beau tracé. L'empreinte même. Encore. À Charlevoix, là, on voit quand même les montagnes qui nous entourent quand on est au monde. En passant, le mont des Éboulements est le centre de l'astroblème de Charlevoix environ. Puis on voit les montagnes autour. Tu sais, on a une idée. On est capable de se faire une image un peu de ce que ça peut avoir l'air. Mais là, on parle d'il y a 2 milliards d'années. Il y a eu je sais plus combien de glaciations, là, facilement 5-6. Donc, c'est des roches très anciennes qui sont déformées, qui sont érodées, puis sont couvertes de végétation. Le bouclier canadien, c'est la forêt boréale. C'est ça. Donc, ça a tendance à cacher, ça, le cratère. Oui. Donc, ça doit être assez difficile de trouver des preuves, et ça a été accueilli avec quand même beaucoup de scepticisme parce qu'on plusieurs autres chercheurs pensent que c'est des anomalies qui pourraient être reliées, par exemple, à une importante faille qui traverse la province d'est en ouest, si je ne me trompe pas, plutôt qu'à un impact de météorite. Mais là, les trois géologues mènent des recherches dans cette région quand même depuis plusieurs années. Et après avoir présenté leurs premiers travaux quand même en 2011 à Londres et en Australie l'année suivante, ils exposent vraiment là, des preuves qui jugent vraiment... qu'on pourrait dire presque irréfutable. Ils reconnaissent qu'il y a quand même encore beaucoup de travail à faire pour convaincre leur père, mais ils pensent qu'ils détiennent des éléments suffisamment solides pour avancer leur hypothèse, que c'est le plus gros cratère d'impact météoritique sur Terre. OK. Donc, il semblerait vraiment que ce soit des indices révélateurs. Le long du cratère, ce qu'ils ont trouvé, en fait, c'est pas loin du lac Mistassini, dans la région des Monts Otiche, là, il y a des roches qui ont la forme d'un arc de cercle, premier indice, et ça pourrait constituer la frange là, du cratère. Le reste, par contre, aurait été détruit là, par la formation de montagnes qui a suivi l'histoire géologique du Québec. Et ils ont aussi trouvé des cônes de choc, ou ce qu'on appelle aussi des cônes de percussion. Ouais. Mais ça, c'est des structures rocheuses qui sont comme en forme de cône, d'où leur nom, et qui renferment des minéraux un peu spéciaux. Parce qu'ils ont les caractéristiques très uniques qui peuvent être spécifiquement reliées à des impacts météoritiques. Donc, c'est comme ça, c'est vraiment des preuves irréfutables. Si c'est des cônes d'impact, ça peut pas... En fait, ça a été formé seulement sous la pression d'un choc très violent. Et tu as deux options, une chute de météorite ou un choc nucléaire. Et je doute qu'il y a 2 milliards d'années, il y a eu une explosion de bombe nucléaire. Quoique, bon... On ne sait jamais. Donc, les géologues ont découvert vraiment plusieurs indices à Chibougamau, dans la région de Chibougamau, en fait, puis dans le coin du lac Mistassini. Et en plus de ces cônes-là, les géologues affirment avoir trouvé des signes d'impact, là, mais ça, c'est dans l'analyse vraiment microscopique de la roche. Et cette année, d'ailleurs, je crois que ça a lieu, si je ne me trompe pas, en octobre ou en novembre, il va y avoir un congrès là, qu'on appelle Québec Mine en 2016. Et là, les géologues ont vraiment l'intention de présenter encore de nouveaux indices, d'étoffer leur théorie et d'essayer de convaincre encore plus la communauté scientifique, là, qui aurait ceux qui auraient encore des doutes, en fait. Et ils auraient, selon eux, suffisamment de preuves pour, dans tout le secteur, là, pour prouver que c'est vraiment un impact météoritique majeur qui a affecté la région là, de Chibougamau jusqu'à Charlevoix. Donc, ils ont maintenant en main tout ce qu'il faut là, pour étayer leur modèle. Donc, l'hypothèse, c'est sûr qu'elle est fort controversée encore, et ça va peut-être demeurer encore comme ça pendant des années. Et d'ailleurs, savais-tu qu'il y a au sein de la communauté scientifique, les géologues, une course pour savoir qui va découvrir le plus gros cratère du monde. Donc, là, il y a un an, les Australiens pensaient être les chanceux parce qu'ils ont découvert un cratère d'environ 300 à 400 km de diamètre. Et là, ils se feraient peut-être dépasser par nos Québécois. Bon. Donc, ça reste à suivre. Je vous invite à suivre l'actualité géologique là-dessus. Oui. Parce que ça va peut-être être eux les grands gagnants là, de cette espèce de concours-là. Ben, merci beaucoup, Mélanie. On va espérer que ce soit les Québécois, effectivement. Oui. Et puis, nous allons faire une pause musicale, après quoi nous recevrons Pierre Maslow, qui va nous parler de son projet de recherche à l'INRS. Ne nous quittez pas.